Chapitre 115, après le massacre. Rentrons dans Paris et voyons un peu ce qui s'y passait. Paris avait entendu le bruit de la fusillade, il avait tressailli. Paris ne savait pas encore parfaitement qui avait tort ou raison, mais il sentait qu'il venait de recevoir une blessure et que par cette blessure, le sang coulait. Robespierre se tenait en permanence aux Jacobins comme un gouverneur dans sa forteresse. Là, il était véritablement puissant. Mais pour le moment, la citadelle populaire était éventrée et tout le monde pouvait entrer par la brèche qu'avaient faite en se retirant Barnabe, Duport et Lamette. Les Jacobins envoyèrent un des leurs au renseignement. Quant à leurs voisins, les Feuillants, ils n'avaient pas besoin d'y envoyer. Ils étaient renseignés heure par heure, minute par minute. C'était leur partie qui se jouait et ils venaient de la gagner. L'envoyé des Jacobins rentra au bout de 10 minutes. Il avait rencontré les fuyards qui lui avait jeté cette horrible nouvelle, Lafayette ébahit et égorge le peuple. Tout le monde n'avait pas pu entendre les cris désespérés de Bailly, tout le monde n'avait pas pu voir Lafayette se jetant à la gueule des canons. L'envoyé revint donc jetant à son tour un cri de terreur dans l'assemblée, peu nombreuse au reste, 30 ou 40 Jacobins à peine, étaient réunis dans le vieux couvent. Ils comprirent que c'était sur eux que les Feuillants allaient faire retomber la responsabilité de la provocation. La première pétition n'était-elle pas sortie de leur club? Ils l'avaient retirée, c'est vrai, mais la seconde était évidemment la fille de la première. Ils eurent peur. Cette pâle figure, ce fantôme de la vertu, cette ombre de la philosophie de Rousseau qu'on appelait Robespierre, de pâle, devint livide. Le prudent député d'Arras tenta de s'esquiver et ne le put. Force lui fut de rester et de prendre un parti. Ce parti fut inspiré par l'effroi. La société déclara qu'elle désavouait les imprimés faux ou falsifiés qu'on lui avait attribués et qu'elle jurait de nouveau fidélité à la Constitution, obéissance aux décrets de l'Assemblée. À peine venait-elle de faire cette déclaration qu'à travers les vieux corridors des Jacobins, on entendit un grand bruit venant de la rue. Ce bruit se composait de rires, de huées, de clameurs, de menaces, de chants. Les Jacobins, l'oreille tendue, espéraient qu'il allait passer outre et suivre son chemin du côté du palais royal. Point. Le bruit s'arrêta, fit halte, se fixa devant la porte basse et sombre qui ouvrait sur la rue Saint-Honoré. Et pour ajouter à la terreur qui régnait déjà, quelques-uns des assistants s'écrièrent « Ce sont les gardes soldés qui reviennent du champ de Mars. Ils demandent à la démolir à coups de canon. » Heureusement, des soldats avaient été, par précaution, mis en sentinelle aux portes. On ferma toutes les issues pour empêcher cette troupe, furieuse et ivre de sang qu'elle avait versé, d'en répandre de nouveau. Puis, Jacobins et spectateurs sortirent peu à peu. L'évacuation ne fut pas longue, car de même que la salle renfermait à peine 30 ou 40 membres, les tribunes n'en contenaient guère plus de 100 auditeurs. Madame Roland, qui fut partout ce jour-là, était de ces derniers. Elle raconte qu'un Jacobin, à cette nouvelle que les troupes soldées allaient envahir la salle, perdit la tête à ce point qu'il sauta dans la tribune des femmes. Elle, Madame Roland, lui fit honte de cette terreur et il s'en alla par où il était venu. Cependant, comme nous l'avons dit, acteurs et spectateurs se glissaient les uns après les autres par la porte entrouverte. Robespierre sortit à son tour. Un instant, il hésita. Tournerait-il à droite ou à gauche? C'était à gauche qu'il devait tourner pour rentrer chez lui. Il demeurait au fond du marais, on le sait. Mais il lui fallait alors traverser les rangs de cette garde soldée. Il préféra gagner le faubourg Saint-Honoré pour demander asile à Pétion qui y demeurait. Il tourna à droite. Robespierre avait grande envie de rester inaperçu. Mais le moyen, avec cet habit olive, sec de pureté civique, l'habit rayé ne vint que plus tard, avec ses lunettes qui témoignent qu'avant l'âge, les yeux de ce vertu patriote se sont usés dans les veilles, avec cette démarche oblique de la belette et du renard. À peine Robespierre eut-il fait 20 pas dans la rue que 2 ou 3 personnes s'étaient déjà dit les unes aux autres « Robespierre, vois-tu Robespierre? C'est Robespierre !» Les femmes s'arrêtent et joignent les mains. Les femmes aimaient fort Robespierre qui, dans tous ses discours, avait grand soin de mettre en avant la sensibilité de son cœur. « Comment, ce cher monsieur de Robespierre, c'est lui ?»« Oui. » »« Où donc cela ?»« Là, là !» « Vois-tu ce petit homme mince et bien poudré qui glisse le long de la muraille et qui se dérobe par modestie ?» Robespierre ne se dérobait point par modestie, il se dérobait par peur. Mais qui eût osé dire que le vertueux, que l'incorruptible Robespierre, que le tribun du peuple se dérobaient par peur? Un homme alla le regarder sous le nez pour s'assurer que c'était lui. Robespierre baissa son chapeau, ignorant dans quel but on le regardait. L'homme le reconnut. « Vive Robespierre » cria-t-il. Robespierre eût mieux aimé avoir affaire à un ennemi qu'à un pareil ami. « Robespierre !» cria un autre, plus fanatique encore. « Vive Robespierre ! S'il faut absolument un roi, pourquoi pas lui ?»« Ô grand Shakespeare, César est mort, que son assassin soit fait César !» Certes, si un homme maudit sa popularité, ce fut Robespierre en ce moment. Un cercle immense se formait autour de lui, il s'agissait de le porter en triomphe. Il jeta, par-dessus ses lunettes, un regard effaré à droite et à gauche, cherchant quelque porte ouverte, quelque allée sombre, ou fuir, ou se cacher. Justement, il se sentit saisir par le bras et tiré vivement de côté, tandis qu'avec un accent amical, une voix lui disait tout bas « Venez !» Robespierre céda à l'impulsion, se laissa aller, vit une porte se refermer derrière lui et se trouva dans la boutique d'un menuisier. Ce menuisier était un homme de 42 à 45 ans environ. Près de lui était sa femme. Dans une chambre, au fond, deux belles jeunes filles, l'une de 15 ans, l'autre de 18, dressaient le souper de la famille. Robespierre était très pâle et semblait sur le point de s'évanouir. « Léonore !» dit le menuisier, « un verre d'eau !» Léonore, la fille aînée du menuisier, s'approcha toute tremblante, un verre d'eau à la main. Peut-être les lèvres de l'austère tribun touchèrent-elles les doigts de Mademoiselle Duplay, car Robespierre était chez le menuisier Duplay. Pendant que Madame Roland, qui sait le danger qu'il court, et qui se l'exagère encore, se rend inutilement au marais pour lui offrir un asile chez elle, abandonnons Robespierre, qui est en sûreté au milieu de cette excellente famille Duplay, dont il va faire la sienne, pour entrer aux Tuileries à la suite du docteur Gilbert. Cette fois encore, la reine attend. Mais comme ce n'est pas Barnave qu'elle attend, elle est, non pas à l'entresol de Madame Campan, mais chez elle, non pas debout, la main au loquet d'une porte, mais assise sur un fauteuil, la tête dans sa main. Elle attend Weber, qu'elle a envoyé au Champ de Mars et qui a tout vu des hauteurs de Chaillot. Pour être juste envers la reine, et pour que l'on comprenne bien cette haine qu'elle portait, disait-on, aux Français, et qu'on lui a tant reproché, après avoir raconté ce qu'elle a souffert pendant son voyage de Varennes, disons ce qu'elle a souffert depuis son retour. Un historien pourrait être partial. Nous ne sommes qu'un romancier. La partialité ne nous est point permise. Le roi et la reine arrêtés, le peuple n'eut plus qu'une idée. C'est que, ayant fui une première fois, il pouvait fuir une seconde, et cette seconde fois gagner la frontière. La reine surtout était tenue pour une magicienne capable, comme Médée, de s'envoler par une fenêtre sur un char traîné par deux dragons. Ses idées n'avaient pas cours seulement parmi le peuple. Elle trouvait créance jusque chez les officiers chargés de garder Marie-Antoinette. Monsieur de Gouvion, qui l'avait laissé glisser entre ses mains lors de la fuite pour Varennes, et dont la maîtresse, femme de garde-robe, avait dénoncé le départ à Bailly. Monsieur de Gouvion avait déclaré refuser toute responsabilité si une autre femme que Madame de Rocherolles, c'était, on se le rappelle, le nom de cette dame de garde-robe, avait le droit d'entrer chez la reine. En conséquence, il avait, au bas de l'escalier conduisant à l'appartement royal, fait mettre le portrait de Madame de Rocherolles afin que la sentinelle, constatant l'identité de chaque personne qui se présenterait, ne permît à aucune autre femme d'y entrer. La reine fut instruite de cette consigne. Elle passa aussitôt chez le roi et se plaignit à lui. Le roi n'y pouvait croire. Il l'envoya au bas de l'escalier pour s'assurer du fait. Le fait était vrai. Le roi fit appeler M. de Lafayette et réclama de lui l'enlèvement de ce portrait. Le portrait fut enlevé et les femmes ordinaires de la reine reprirent leur service près d'elle. Mais à la place de cette humiliante consigne, une précaution non moins blessante venait d'être arrêtée. Les chefs de bataillon qui stationnaient d'habitude dans le salon précédant la chambre à coucher de la reine et qu'on appelait le grand cabinet avaient l'ordre d'en tenir la porte incessamment ouverte afin d'avoir toujours les yeux sur la famille royale. Un jour, le roi se hasarda de fermer cette porte. Aussitôt, l'officier alla la rouvrir. Un instant après, le roi la referma. Mais, la rouvrant de nouveau, « Sire, dit l'officier, il est inutile que vous refermiez cette porte. Autant de fois vous la refermerez, autant de fois je la rouvrirai. C'est la consigne. » La porte demeura ouverte. Tout ce que l'on peut obtenir des officiers, c'est que cette porte, sans être complètement fermée, serait poussée contre le chambranle lorsque la reine s'habillerait ou se déshabillerait. La reine habillée ou couchée, la porte se rouvrait. C'était une tyrannie intolérable. La reine eut l'idée de tirer près de son lit le lit de sa femme de chambre, de manière à ce que celui-ci se trouvât placé entre elle et la porte. Ce lit, roulant et garni de rideaux, lui laissait un paravent derrière lequel elle pouvait s'habiller et se déshabiller. Une nuit, l'officier, voyant que la femme de chambre dormait et que la reine veillait, profita de ce sommeil de la femme de chambre pour entrer chez la reine et s'approcher de son lit. La reine le regarda venir de cet air que savait prendre la fille de Marie-Thérèse quand on lui manquait de respect. Mais le brave homme, qui ne croyait aucunement manquer de respect à la reine, ne s'inquiéta point de son air, et la regardant à son tour avec une expression de pitié à laquelle il n'y avait point à se tromper. « Ah, par ma foi, dit-il, puisque je vous trouve seule, madame, il faut que je vous donne quelques conseils. » Et à l'instant, sans se préoccuper de savoir si la reine voulait ou non l'entendre, il lui expliqua ce qu'il ferait s'il était à sa place. La reine, qu'il avait vu approcher avec colère, assurée par son ton de bonhomie, l'avait laissé dire. Il avait fini par l'écouter avec une mélancolie profonde. Sur ces entrefaites, la femme de chambre se réveilla, et voyant un homme près du lit de la reine, jeta un cri et voulut appeler au secours. Mais la reine l'arrêta. « Non, campant, dit-elle. Laissez-moi écouter ce que dit monsieur. Monsieur est un bon Français trompé, comme tant d'autres, sur nos intentions, et ses discours annoncent un véritable attachement à la royauté. » Et l'officier, jusqu'au bout, avait dit à la reine ce qu'il avait à lui dire. Avant de partir pour Varennes, Marie-Antoinette n'avait pas un cheveu gris. Pendant la nuit qui suivit la scène que nous avons racontée entre Charny et elle, ses cheveux blanchirent presque complètement. En s'apercevant de cette triste métamorphose, elle sourit avec amertume, en coupa une boucle, et l'envoya à madame de Lamballe, à Londres, avec ces mots « blanchie par le malheur ». Nous l'avons vu attendant Barnave, nous avons assisté aux espérances de celui-ci. Mais ces espérances, il avait eu grande difficulté à les faire partager à la reine. Marie-Antoinette craignait les scènes de violence. Jusqu'alors, ces scènes avaient constamment tourné contre elle. Témoins le 14 juillet, les 5 et 6 octobre, l'arrestation à Varennes. Elle avait entendu des Tuileries le bruit de la fatale décharge du Champ de Mars. Son cœur s'en était profondément inquiété. À tout prendre, ce voyage de Varennes avait été un grand enseignement pour elle. Jusqu'à ce moment, la Révolution n'avait point à ses yeux dépassé la hauteur d'un système de M. Pitt, d'une intrigue du duc d'Orléans. Elle croyait Paris conduit par quelques meneurs. Elle disait avec le roi « notre bonne province ». Elle avait vu la province. La province était plus révolutionnaire que Paris. L'assemblée était bien vieille, bien radoteuse, bien décrépite, pour tenir vaillamment les engagements que Barnave avait pris en son nom. D'ailleurs, n'était-elle pas près de mourir? L'embrassement d'une mourante n'était pas bien sain. La reine attendait donc, comme nous l'avons dit, Weber avec une grande anxiété. La porte s'ouvrit, elle tourna vivement les yeux de ce côté, mais au lieu de la bonne grosse figure autrichienne de son frère de lait, elle vit apparaître le visage sévère et froid du docteur Gilbert. La reine n'aimait pas ce royaliste aux théories constitutionnelles si bien arrêtées, qu'elle le regardait comme un républicain. Et cependant, elle avait pour lui un certain respect. Elle ne lui envoyait chercher ni dans une crise physique ni dans une crise morale. Mais lui, une fois là, elle subissait son influence. En l'apercevant, elle tressaillit. Elle ne l'avait pas revu depuis la soirée du retour de Varennes. « C'est vous, docteur ? » murmura-t-elle. Gilbert s'inclina. « Oui, madame, dit-il, c'est moi. Je sais que vous attendiez Weber, mais les nouvelles qu'il vous apporte, je les apporte bien plus précises encore. » Il était du côté de la Seine, où l'on n'égorgeait pas, et moi, au contraire, j'étais du côté de la Seine où l'on égorgeait. « Où l'on égorgeait ? Qu'est-il donc arrivé, monsieur ? » demanda la reine. « Un grand malheur, madame. Le parti de la cour a triomphé. »« Le parti de la cour a triomphé ? Et vous appelez cela un malheur, monsieur Gilbert ? Oui, parce qu'il a triomphé par un de ces moyens terribles qui énervent le triomphateur et qui, parfois, le couche à côté du vaincu. » « Que s'est-il donc passé ? » Lafayette et Bailly ont tiré sur le peuple, de sorte que voilà Lafayette et Bailly hors d'état de vous servir désormais. Pourquoi cela? Parce qu'ils sont dépopularisés. Et que faisait ce peuple sur lequel on a tiré? Il signait une pétition demandant la déchéance. La déchéance de qui? Du roi. Et vous trouvez que l'on a eu tort de tirer sur lui? Demanda la reine, dont l'œil étincela. Je crois qu'on eût mieux fait de le convaincre que de le fusiller. Mais de quoi le convaincre? De la sincérité du roi. Mais le roi est sincère. Pardon, madame. Il y a 3 jours, j'ai quitté le roi. Toute ma soirée s'était passée à essayer de lui faire comprendre que ses véritables ennemis, ce sont ses frères, monsieur de Condé, les émigrés. J'avais, à genoux, supplié le roi de rompre toute relation avec eux et d'adopter franchement la Constitution, sauf à en réviser les articles dont la pratique ferait reconnaître l'application impossible. Le roi, convaincu, je le croyais du moins, avait eu la bonté de me promettre que c'était fini entre lui et l'émigration. Et derrière moi, madame, le roi a signé et vous a fait signer à vous une lettre pour son frère, pour monsieur, lettre dans laquelle il le charge de ses pouvoirs auprès de l'empereur d'Autriche et du roi de Prusse. La reine rougit comme un enfant pris en faute. Mais un enfant pris en faute courba la tête, elle, au contraire, se révolta. Nos ennemis ont-ils des espions jusque dans le cabinet du roi? Oui, madame, répondit tranquillement Gilbert, et c'est ce qui rend de la part du roi toute démarche fausse si dangereuse. Mais, monsieur, la lettre était tout entière écrite de la main du roi. Elle a été, aussitôt signée par moi, pliée et cachetée par le roi, puis remise au courrier qui devait la porter. C'est vrai, madame. Le courrier a donc été arrêté. La lettre a été lue. Mais nous ne sommes donc entourés que de traîtres. Tous les hommes ne sont pas des comtes de Charny. Que voulez-vous dire? Hélas, je veux dire, madame, qu'un des augures fatales qui présage la perte des rois, c'est quand ils éloignent d'eux des hommes qu'ils devraient attacher à leur fortune par des liens de fer. Je n'ai point éloigné monsieur de Charny, dit amèrement la reine. C'est monsieur de Charny qui s'est éloigné. Quand les rois deviennent malheureux, il n'y a plus de lien assez fort pour retenir près d'eux leurs amis. Gilbert regarda la reine et secoua doucement la tête. Ne calomniez pas monsieur de Charny, madame, ou le sang de ses deux frères criera du fond de la tombe que la reine de France est ingrate. Monsieur, fit Marie-Antoinette. Oh, vous savez bien que je dis la vérité, madame, reprit Gilbert. Vous savez bien qu'au jour où un véritable danger vous menacera, monsieur de Charny sera à son poste, et que ce poste sera celui du danger. La reine baissa la tête. Enfin, dit-elle avec impatience, vous n'étiez pas venu pour me parler de monsieur de Charny, je suppose. Non, madame, mais les idées sont parfois comme les événements. Elles s'enchaînent par des fils invisibles, et telles sont tirées tout à coup au jour qui devraient rester cachées dans l'obscurité du cœur. Non, je venais pour parler à la reine. Pardon si, sans le vouloir, j'ai parlé à la femme. Mais me voici prêt à réparer mon erreur. Et que voulez-vous dire à la reine, monsieur? Je voulais lui mettre sous les yeux sa situation, celle de la France, celle de l'Europe. Je voulais lui dire, madame, vous jouez le bonheur ou le malheur du monde en partie liée. Vous avez perdu la première manche au 6 octobre. Vous venez aux yeux de vos courtisans, du moins, de gagner la seconde. À partir de demain, vous allez engager ce que l'on nomme la belle. Si vous perdez, il y va du trône, de la liberté, peut-être de la vie. Et, dit la reine en se redressant vivement, croyez-vous, monsieur, que nous reculerons devant une pareille crainte? Je sais que le roi est brave. Il est petit-fils d'Henri IV. Je sais que la reine est héroïque. Elle est fille de Marie-Thérèse. Je n'essaierai donc jamais vis-à-vis d'eux que de la conviction. Malheureusement, je doute que j'arrive jamais à faire passer dans le cœur du roi et de la reine la conviction qui est dans le mien. Pourquoi alors prendre une pareille peine, monsieur, si vous la jugez inutile? Pour remplir un devoir, madame. Croyez-moi, il est doux, quand on vit dans des temps orageux comme les nôtres, de se dire, à chaque effort que l'on fait, cet effort dût-il être infructueux, c'est un devoir que je remplis. La reine regarda Gilbert en face. Avant toute chose, monsieur, dit-elle, pensez-vous qu'il soit possible encore de sauver le roi? Je le crois. Et la royauté? Je l'espère. Eh bien, monsieur, dit la reine avec un soupir profondément triste, vous êtes plus heureux que moi. Je crois que l'un et l'autre sont perdus, et je ne me débats pour mon compte qu'en acquis de ma conscience. Oui, madame, je comprends cela parce que vous voulez la royauté despotique et le roi absolu. comme un avare qui ne sait, même en vue d'un rivage, prêt à lui rendre plus qu'il ne perd dans son naufrage, sacrifier une partie de sa fortune, et qui veut garder tous ses trésors. Vous vous noirez avec les vôtres, entraînés par leur poids. Faites la part de la tempête, jetez au gouffre tout le passé s'il le faut, et nagez vers l'avenir. Jeter le passé au gouffre, c'est rompre avec tous les rois de l'Europe. Oui, mais c'est faire alliance avec le peuple français. Le peuple français est notre ennemi, dit Marie-Antoinette, parce que vous l'avez appris à douter de vous. Le peuple français ne peut pas lutter contre une coalition européenne. Supposez à sa tête un roi qui veille franchement à la Constitution, et le peuple français fera la conquête de l'Europe. Il faut une armée d'un million d'hommes pour cela. On ne fait pas la conquête de l'Europe avec un million d'hommes, madame. On fait la conquête de l'Europe avec une idée. Planter sur le Rhin et sur les Alpes de drapeaux tricolores avec ces mots « guerre aux tyrans, liberté au peuple » et l'Europe sera conquise. En vérité, monsieur, il y a des moments où je suis tenté de croire que les plus sages deviennent fous. Ah, madame, madame, vous ne savez donc pas ce que c'est en ce moment que la France aux yeux des nations. La France, avec quelques crimes individuels, quelques excès locaux, mais qui ne tachent point sa robe blanche, qui ne souillent pas ses mains pures, cette France, c'est la Vierge de la Liberté. Le monde tout entier est amoureux d'elle. Des Pays-Bas, du Rhin, de l'Italie, des millions de voix l'invoquent. Elles n'ont qu'à mettre un pied hors de la frontière et les peuples l'attendront à genoux. La France arrivant les mains pleines de liberté, ce n'est plus une nation. C'est la justice immuable, c'est la raison éternelle. Oh, madame, madame, profitez de ce qu'elle n'est point encore entrée dans la violence. Car si vous attendez trop longtemps, ces mains qu'elle étend sur le monde, elle les retournera contre elle-même. Mais la Belgique, mais l'Allemagne, mais l'Italie suivent chacun de ses mouvements avec des regards d'amour et de joie. La Belgique lui dit « Viens ». L'Allemagne lui dit « Je t'attends ». L'Italie lui dit « Sauve-moi ». Au fond du Nord, une main connue n'a-t-elle pas écrit sur le bureau de Gustave « Pas de guerre à la France ». D'ailleurs, aucun de ces rois que vous appelez à votre aide n'est prêt à nous faire la guerre, madame. Deux empires nous haïssent profondément. Quand je dis deux empires, je veux dire une impératrice et un ministre, Catherine II et M. Pitt. Mais ils sont impuissants contre nous, à cette heure du moins. Catherine II tient la Turquie sous une de ses griffes et la Pologne sous l'autre. Elle en aura bien pour 2 ou 3 ans à soumettre l'une et à dévorer l'autre. Elle pousse les Allemands vers nous. Elle refroidit la France. Elle fait honte à votre frère Léopold de son inaction. Elle lui montre le roi de Prusse envahissant la Hollande pour un simple déplaisir fait à sa sœur. Elle lui dit « Marchez donc, mais elle ne marche pas. » M. Pitt avale l'Inde en ce moment. Il est comme le serpent boa. Cette laborieuse digestion l'engourdit. Si nous attendons qu'elle soit achevée, il nous attaquera à son tour, non point tant par la guerre étrangère que par la guerre civile. Je sais que vous en avez une peur mortelle de ce Pitt. Je sais que vous avouez, madame, que vous ne parlez pas de lui sans avoir la petite mort. Voulez-vous un moyen de le frapper au cœur? C'est de faire de la France une république avec un roi. Au lieu de cela, que faites-vous, madame? Au lieu de cela, que fait votre amie la princesse de Lamballe? Elle dit à l'Angleterre, où elle vous représente, que toute l'ambition de la France est d'arriver à la Grande Charte. Que la Révolution française, bridée et montée par le roi, va marcher à reculons. Et que répond Pitt à ses avances? Qu'il ne souffrira pas que la France devienne république, qu'il sauvera la monarchie. Mais toutes les caresses, toutes les instances, toutes les prières de Madame de Lamballe n'ont pu lui faire promettre qu'il sauverait le monarque, car le monarque, il le est. N'est-ce pas Louis XVI, roi constitutionnel, roi philosophe, qui lui a disputé l'Inde et arraché l'Amérique? Louis XVI. Mais Pitt ne désire qu'une chose, c'est que l'histoire en fasse un pendant à Charles Ier. « Monsieur, monsieur !» s'écria la reine épouvantée, « qui donc vous dévoile toutes ces choses ?»« Les mêmes hommes qui me disent ce qu'il y a dans les lettres que votre majesté écrit. » Mais nous n'avons donc plus une pensée qui nous appartienne. Je vous ai dit, madame, que les rois de l'Europe étaient enveloppés d'un invisible réseau, dans lequel ceux qui voudraient résister se débattront inutilement. Ne résistez pas, madame. Mettez-vous à la tête des idées que vous essayez de tirer en arrière, et le réseau vous deviendra une armure, et ceux qui vous haïssent deviendront vos défenseurs, et ces poignards invisibles qui vous menacent deviendront des épées prêtes à frapper vos ennemis. Mais ceux que vous appelez nos ennemis, monsieur, Vous oubliez toujours que ce sont les rois nos frères. Eh, madame, appelez une fois les Français à vos enfants, et vous verrez alors le peu que vous sont ces frères selon la politique et la diplomatie. D'ailleurs, tous ces rois, tous ces princes, ne vous semblent-ils point marqués du sceau fatal, du sceau de la folie ? Commençons par votre frère Léopold, caduc à 44 ans avec son harem toscan transporté à Vienne, ranimant ses facultés mourantes par des excitants meurtriers qu'il se fabrique lui-même. Voyez Frédéric, voyez Gustave, l'un qui est mort, l'autre qui mourra sans postérité. Car aux yeux de tous, il est connu que l'héritier royal de Suède est le fils de Mangue, et non celui de Gustave. Voyez le roi du Portugal avec ses 300 religieuses, voyez le roi de Saxe avec ses 354 bâtards. Voyez Catherine, cette pasiphaïe du Nord, à qui un taureau ne saurait suffire, et qui a trois armées pour amants. Oh, madame, madame, ne vous apercevez-vous pas que tous ces rois et toutes ces reines marchent au gouffre, à l'abîme, au suicide, et que si vous le vouliez, vous, au lieu de marcher comme eux au suicide, à l'abîme, au gouffre, vous marcheriez à l'empire du monde, à la monarchie universelle? Pourquoi donc ne dites-vous point cela au roi, monsieur Gilbert ? Demanda la reine ébranlée. « Et je le lui dis, mon Dieu ! Mais comme vous avez les vôtres, il a ces mauvais génies qui viennent défaire ce que j'ai fait. » Puis avec une profonde mélancolie, « Vous avez usé Mirabeau, vous usez Barnave, vous muserez après eux et comme eux, et tout sera dit. »« Monsieur Gilbert, » fit la reine, « attendez-moi ici. J'entre un instant chez le roi et je reviens. » Gilbert s'inclina. La reine passa devant lui et sortit par la porte qui conduisait chez le roi. Le docteur attendit 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, enfin une porte s'ouvrit, mais opposée à celle par laquelle était sortie la reine. C'était un huissier qui, après avoir regardé de tous côtés avec inquiétude, s'avança vers Gilbert, fit un signe maçonnique, lui remit une lettre et s'éloigna. Gilbert ouvrit la lettre et lut. « Tu perds ton temps, Gilbert. En ce moment, la reine et le roi écoutent M. de Breteuil, qui arrive de Vienne, et qui leur apporte ce plan de politique. » Faire de Barnave comme de Mirabeau. Gagner du temps, jurer la Constitution, l'exécuter littéralement pour montrer qu'elle est inexécutable. La France se refroidira, s'ennuiera. Les Français ont la tête légère. Il se fera quelques modes nouvelles et la liberté passera. Si la liberté ne passe pas, on aura gagné un an. Et dans un an, nous serons prêts à la guerre. Laisse donc là ces deux condamnés, qu'on appelle encore, par dérision, le roi et la reine, et rends-toi, sans perdre un instant, à l'hôpital du Gros Caillou. Tu y trouveras un mourant, moins malade qu'eux, car ce mourant, peut-être pourras-tu le sauver, tandis que, sans que tu puisses les sauver, t'entraîneront dans leur chute. Le billet n'avait point de signature, mais Gilbert reconnut l'écriture de Cagliostro. En ce moment, Madame Campan entra. Cette fois, c'était par la porte de la reine. Elle remit à Gilbert un petit billet conçu en ces termes. Le roi prie M. Gilbert de lui mettre par écrit tout le plan politique qu'il vient d'exposer à la reine. La reine, retenue par une affaire importante, a le regret de ne pouvoir revenir près de M. Gilbert. Il serait donc inutile qu'il l'attendît plus longtemps. Gilbert lut, resta un moment pensif et secouant la tête. « Les insensés » murmura-t-il. « Vous n'avez rien à faire dire à leur majesté, monsieur ?» demanda Madame Campan. Gilbert donna à la femme de chambre la lettre sans signature qu'il venait de recevoir. « Voici ma réponse, » dit-il. Et il sortit.